Chapitre 2e. Une rencontre inattendue. À quelques milles au sud de Leavenworth, mais encore sur le territoire occupé par les Confédérés, se trouve une maison de campagne dans laquelle Don Ramiro a établi son quartier général. Don Ramiro, le sang mêlé, joue un rôle influent auprès des États du Sud et il s'arrange de manière à en retirer tout l'avantage possible. Il fait nuit, mais dans le long rez-de-chaussée de la maison de campagne, les lumières brillent à profusion. Leur éclat se répand loin sur le tapis d'émeraude de la pelouse où, immobiles, l'arme au bras, se tiennent des sentinelles dans l'uniforme gris des Confédérés. Dans la grande salle, brillamment éclairée, un homme, portant l'ample et blanc costume d'été du planteur riche, se promène de long en large, l'air inquiet. Une ceinture chargée de pistolets et bouclée autour de sa taille fait le contraste avec l'éclatante blancheur de son vêtement. C'est Don Ramiro. Nous l'avons dit, la maison où il a établi son quartier général est située à quelques milles seulement au sud de Leavenworth, mais elle se trouve dans la région occupée par les Confédérés. Don Ramiro frappa dans ses mains. Aussitôt un rideau s'écarta non loin de lui. Un guerrier indien, maigre et nerveux, entra et s'arrêta tout près du seuil, les mains croisées. Toujours pas de nouvelles des chefs Tall Bull et Satanta ? Demanda le sang mêlé impatiemment. Aucune, seigneur, répondit l'Indien. Seulement un guerrier des hommes du Nord est là dehors. Amenez-le. Espérant avoir des nouvelles, Don Ramiro dévisagea celui qui entrait. Il eut un signe de tête satisfait car il reconnaissait l'individu sous l'uniforme bleu des États du Nord. Nous aussi, nous le connaissons déjà. C'est ce même soldat qui, porteur d'un ordre du général Smith, avait arraché Bill Cody au lit de mort de sa mère et qui faisait régulièrement partie des ordonnances du général en chef. « Tiens, Guy Hawks, s'écria Ramiro, quel vent te pousse ici ?»« J'apporte d'importantes nouvelles, répondit le soldat, dont le visage, sans être laid, était marqué d'une expression sournoise et fourbe. « Vraiment, lesquelles ?» Ramiro s'était approché de lui et le regardait impatient. « Il m'a été difficile de me faufiler à travers nos avant-postes. Leur tour sera encore plus dangereux. C'est un vilain métier que je fais. » Don Ramiro eut un rire moqueur. « Ce qui veut dire que tu voudrais bien avoir de l'argent, n'est-ce pas » demanda-t-il avec dédain. Il alla à un coffre de métal, dans un coin de la salle, y prit une poignée de pièces d'or et les jeta sur la table. « Tiens, paye-toi » dit-il. Une lueur avide brilla dans les yeux de l'homme. Il se hâta de faire disparaître l'or dans sa poche. Ma nouvelle est payée, reprit-il. Et d'abord, la garnison du Fort Hays ne peut guère tenir plus de 2 jours. Les vivres manquent. Ramiro fit un mouvement de la main. Ton renseignement ne vaut pas un liard, l'ami, s'écria-t-il sans ménagement. Tu n'avais pas besoin d'exposer ta précieuse existence. Je sais cela depuis longtemps. Mais j'ai encore quelque chose à dire que vous ne savez peut-être pas, et c'est pour cela que je viens. Alors vas-y. « Nous verrons bien si ça en vaut la peine. »« Écoutez d'abord, et ensuite, vous jugerez, » dit l'espion, que les façons dédaigneuses de son interlocuteur irritaient. « Il y a chez nous un homme nommé Bill Cody. » Comme par magie, la mine dégoûtée de Don Ramiro disparut. « Ah ! Qu'est-ce qui ne va pas par là ? Il se trouve que je le connais. » L'espion cligna de l'œil. « Il fait peut-être le même métier que moi ? Est-il engagé à votre service ?» demanda-t-il effrontément. « Je le voudrais, » dit Ramiro, « mais qu'as-tu à m'apprendre sur lui ?»« À cette heure, il est déjà en route pour le quartier général de votre armée, » expliqua l'espion. « Le général Smith veut avoir des plans importants qui doivent se trouver entre les mains du commandant en chef. Bill Cody est parti pour les voler. Il porte l'uniforme gris et il se donnera pour un confédéré. » Pas un trait ne bougea du visage de Don Ramiro. Seulement une joie satanique luisait dans ses yeux. « Est-ce vrai ce que tu me racontes là, Guy ? » demanda-t-il. « Naturellement. Je n'aurais pas risqué ma vie en me glissant à travers les avant-postes pour vous coller des mensonges. » La figure du sang mêlé s'éclaircit encore davantage. Il retourna au coffre-fort, ramassa une autre poignée de pièces d'or et les jeta aux pieds du traître. « Ta nouvelle est bonne. Tu vois que je suis généreux ? » reprit-il. « Tiens tes oreilles ouvertes et regarde autour de toi. Et maintenant va, que ton absence du fort ne soit pas remarquée. » À peine Don Ramiro se vit-il seul, qu'une farouche expression de triomphe se répandit sur son visage. « Ah, c'est magnifique !» se dit-il tout bas. plus vite que je ne l'espérais moi-même. Le destin m'y amène Bill Cody en mon pouvoir. Naturellement, je le rencontrerai dans le camp, et il ne sera sûrement pas disposé à rejeter mes propositions une seconde fois. Il n'aura aucune envie de mourir de la mort déshonorante des espions, mais il s'accommodera volontiers de mes offres, et j'aurai réussi à me faire de ce jeune héros un émissaire dévoué parmi ces odieux volontaires, et alors la guerre prendra fin. Ce gaillard-là est un homme de génie, et ma foi, qu'il le veuille ou non, il me promettra fidélité ou il mourra. » Sans se donner un instant de réflexion, Bill Cody, notre juvénile héros, s'était mis en devoir de se conformer aux instructions du général Smith. En s'éloignant de chez lui en éperonnant son cheval, dans la hâte et l'impatience qu'il avait au cœur, Bill voyait de plus en plus clairement ce que le général Smith s'attendait de lui. Ce n'étaient pas des Indiens à la rencontre de qui il allait, ces Indiens dont il connaissait si bien les coutumes, les ruses et les retraites. Les soldats sudistes étaient des blancs comme lui, tout aussi courageux, tout aussi fins, tout aussi adroits. D'un autre côté, le commandant supérieur des confédérés, le général Forrest, avait la réputation d'être un homme aussi brave que cruel, mais doué d'une intelligence pénétrante. Son regard savait lire jusqu'au fond de l'âme. Et c'était cet homme contre lequel Bill avait à se mesurer, lui qu'il devait duper. Bien plus, il devait pénétrer jusqu'à ses documents les plus secrets et les lui dérober. Comment réussirait-il à s'acquitter de cette mission? Et comment, pour commencer, s'introduirait-il dans le camp du généralissime sans parler d'arriver jusqu'à sa tente? Mais avec l'insouciance qui lui était particulière, notre jeune héros secoua les boucles de sa chevelure. Il croyait en son étoile, elle le conduirait. Donc, après un adieu à ses sœurs, lequel avait été un déchirement au milieu des larmes, Bill était revenu au galop au fort Leavenworth. Le général Smith l'attendait. « Eh bien, mon brave, êtes-vous résolu à accomplir la tâche que j'ai dite ?» commença le général à brûle-pourpoint. « Oui, certes, mon général, et je pense que je m'en acquitterai à votre satisfaction. »« Ce serait magnifique !» s'écria le général Smith, et son visage ordinairement sévère s'éclaira instantanément. « Véritablement, je mets en vous un gros espoir, mon jeune héros. Le service que vous pouvez rendre à notre patrie est d'une importance tout à fait exceptionnelle. Mais êtes-vous bien sûr des voies et moyens que vous devez employer pour arriver au camp du général Forrest ?»« Je le pense, » répondit Bill réfléchissant. « Avec votre permission, mon général, il me semble bien ne rien oublier. » Il s'interrompit. Son regard s'était croisé avec celui d'un soldat occupé à écrire devant une table appuyée à un des murs de la chambre. Il avait semblé à Bill que l'œil de cet inconnu se fixait sur lui, aigu et curieux, comme s'il eût voulu déchiffrer ses pensées secrètes. Le général Smith avait suivi la direction de ce regard, et comme Bill se taisait, il se mit à rire gaiement. « Vous n'avez pas besoin de vous gêner devant mon brave Guy Fawkes, Bill Cody, » fit-il de bonne humeur. « Fawkes est un ardent patriote, et mon bras droit par-dessus le marché. Mais je ne veux pas vous retarder en conversation. » Le principal est que vous réussissiez. En tout cas, vous feriez bien avant tout de changer de drapeau et de revêtir l'uniforme gris des confédérés. C'est aussi mon intention, mon général. Je m'en suis déjà procuré un au fort, qui paraît m'aller passablement. Mon bras blessé me sera commode dans la circonstance. Je me donnerai pour un soldat sudiste égaré de son corps. Il s'arrêta, ému désagréablement de nouveau par le regard pénétrant que le scribe appuyait sur lui. Cet homme lui inspirait à première vue une violente antipathie sans qu'il pût l'expliquer par aucun motif raisonnable. « Maintenant à cheval, » dit le général amicalement, en lui tendant un papier. « Voici votre laissez-passer, qui vous fera la voie libre à travers nos lignes, à l'aller et au retour. Mais pour le reste, pourvoyez-y vous-même, comme vous l'entendrez, mon jeune héros. Allons, au revoir en bon état et à bientôt. » La voix du rude soldat tremblait un peu en congédiant le jeune homme pour l'envoyer dans un monde ennemi plein de périls inconnus et redoutables. Mais la confiance brillait dans les yeux de Bill. « Au revoir, mon général, » dit-il d'une voix ferme. Il avait repris la raideur militaire et c'est dans l'attitude réglementaire qu'il sortit de la chambre. Une fois dehors, il examina le sauf-conduit qu'il avait reçu et le cacha avec soin sur lui. Dans la cour, un bon cheval qu'on avait choisi à son intention l'attendait. Il s'assura que ses armes, et surtout son fusil, étaient bien chargés. Puis il enfourcha le cheval hennissant et partit à la rencontre de l'inconnu. Il s'était tracé tout un plan provisoire. sous le déguisement d'un soldat sudiste, il voulait tenter d'avoir d'abord accès auprès du général Forrest et ensuite gagner sa confiance au moyen de prétendues observations qu'il aurait l'occasion de noter parmi les rangs des volontaires. Ce qui viendrait après, et comment il pourrait mener à bien la tâche entreprise, il le laissait à sa bonne étoile qui jusque-là l'avait conduit heureusement à travers tous les dangers. Il allait à un joli trot. Il y avait déjà plus d'une heure qu'il avait laissé derrière lui les premiers avant-postes de l'armée de l'Union et qu'il se rapprochait de ceux des Confédérés. Il suivait une route forestière qui semblait tout à fait déserte et que l'heure de minuit peuplait de tous les fantômes inquiétants qui hantent les ténèbres. Tout à coup, l'oreille fine de notre héros saisit un bruit suspect dans le buisson à côté. Il arrêta vivement son cheval et éleva sa carabine, prêt à tirer, mais au même moment il sentit un canon de fusil qui s'appuyait sur sa poitrine. Il faisait si noir que Bill n'aurait pas même pu reconnaître l'équipement d'un soldat de l'Union. Pensant qu'il pouvait avoir devant lui une vedette en extrême avant-garde de sa propre armée, il donna en sourdine le mot d'ordre. Mais l'inconnu lui répondit par un blasphème étouffé. « Va-t'en au diable, traître » cria-t-il d'une voix dont le timbre ne parut pas étranger à Bill. En même temps, avant que celui-ci eût pu bouger, tellement tout s'était fait rapidement et à l'improviste, il entendit le bruit du chien sur la capsule. La seule pensée qui lui vint fut que sa dernière minute avait sonné. Mais aucune détonation ne se fit entendre, le fusil du batteur de broussailles avait raté. Bill ne voulut pas faire feu. Rapide comme l'éclair, il leva sa carabine et en laissa retomber la crosse qui résonna sur le crâne de cet ennemi inattendu. En un clin d'œil, Bill sauta à terre. Il se jeta sur l'homme à moitié assommé et lui mit sur la gorge son Bowie knife, promptement tiré de sa ceinture. « Coquin, pourquoi vouliez-vous me tuer ? » interrogea-t-il d'une voix assourdie. « Grâce, » gémit l'autre. « Ne me tuez pas, qui que vous soyez. » Bill hésita. Il lui parut encore que la voix de son assaillant vaincu lui était connue et même familière. Juste à ce moment, par un heureux hasard, le disque de la lune, longtemps voilé, dégageait sa portion inférieure du bord d'un nuage noir. Sa lumière blafarde permit à Bill de jeter un coup d'œil rapide sur le visage du suppliant dont son genou pressait la poitrine. Il ne put retenir un cri de surprise et se rejeta en arrière. « Nat Golden, est-il possible ? » bégaya-t-il. « Devais-je vous rencontrer dans de pareilles circonstances ?» C'était une certaine connaissance de longue date. Il avait souvent joué avec Bill dans la maison paternelle. Dans une occasion, Bill lui avait sauvé la vie et il s'était acquis par là des droits durables à son amitié. Nad était originaire de l'Est, mais comme tant d'autres, l'amour des aventures, le désir de faire fortune, lui avait fait plier bagage pour le Far West et abandonner la maison paternelle pour mener la vie libre de la prairie. « C'est vraiment idiot, » disait Bill très ennuyé. « Pauvre garçon, je suis obligé de vous arrêter sur le champ. » Dans la générosité de son cœur d'or, il avait déjà oublié que ce vieux camarade de sa jeunesse avait voulu le fusiller tout à l'heure. Il aida l'homme qui geignait toujours à se relever après lui avoir enlevé ses armes. « C'est trop idiot !» répétait Bill sincèrement. « J'aurais mieux aimé faire prisonnier n'importe qui que vous. Il m'est impossible de ne pas vous conduire à Leavenworth. Comment avez-vous pu vous laisser enrôler parmi les confédérés ? Car vous en êtes malgré votre uniforme bleu, n'est-ce pas ?» L'autre eut un rire contraint. Il restait assis à terre, se frottant la tête et gémissant. « Ces choses-là arrivent à la guerre, mon cher Bill, » grogna-t-il d'un ton aigre-doux. « L'ami se tourne contre l'ami et le frère contre le frère. D'ailleurs, je ne serais pas votre prisonnier maintenant si mon fusil n'avait pas raté. Je vous entendais venir d'un mille et j'ai pu m'arranger à loisir pour que vous arriviez droit sur mon chemin. Mais fi, j'ai failli vous casser la poitrine et vous m'avez jadis sauvé la vie. J'ai honte de moi, sérieusement. » « Bon, ça ne fait rien. Comme vous le dites, c'est la guerre. En tout cas, béni soit votre fusil qui ne m'a pas visé juste, mon cher. Mais dans l'état des choses, vous êtes mon prisonnier, et ça me fait vraiment de la peine de devoir veiller à ce que vous soyez pendu congrûment, mon pauvre Nad. » Celui-ci aussitôt porta avec sollicitude ses mains à son cou. « Ce serait une sotte plaisanterie. Je suis bel et bien damné d'avance et je n'ai aucune envie de jouir d'une pendaison par-dessus le marché, » fit-il d'un ton badin, mais forcé. Mais on prend donc les prisonniers sans autre forme de procès chez vous ? Les prisonniers, non, mais les espions qui portent notre uniforme par supercherie, répondit Bill. Abrégeons, mon vieux Nad. Ne vous débattez pas davantage, je n'ai pas de temps à perdre. Donnez-moi les papiers que vous portez sur vous, et je vous conduis à nos avant-postes comme un prisonnier ordinaire. Nad, qui fut devenu très pâle, le regardait. La pleine lune s'était avancée juste au-dessus d'eux, de sorte qu'ils pouvaient parfaitement se voir et se reconnaître. « Vous me prenez donc pour un espion ?» demanda le prisonnier tout à fait maté. « Non seulement je vous prends pour un espion, mais encore pour un espion qui n'est pas trop fin. Allons, mon ami, abrégeons. » Déconcerté, il soupira, puis répondit. « Alors c'est donc vraiment ma vie qui se joue contre ces papiers. En somme, je suis dans votre main, et je sais qu'il vaudrait autant essayer d'échapper au diable qu'à vous. Aussi est-il plus sensé de vous donner les papiers plutôt que de les laisser trouver sur moi au fort, et d'avoir pour remerciement une cravate de chanvre au cou. » Bill avait sorti de dessous son uniforme sa lanterne sourde qu'il prit de sa main blessée. Puis, le revolver prêt à faire feu dans la main droite, il se fit présenter par Nad les papiers l'un après l'autre. Il eut peine à ne pas faire un saut de joie. D'un coup d'œil rapide jeté sur ces papiers, que Nad, toujours sous le canon du revolver, tirait un nain de sa poche et donnait à Bill Cody, celui-ci s'assura qu'il contenait des cartes où les positions de l'armée unioniste étaient très exactement relevées et en outre des listes et des notes précieuses sur le nombre des hommes et des officiers et sur les mouvements de troupes projetées pour secourir le fort menacé. Bill eut bientôt pris son parti. Il fallait qu'il gardât ses papiers et les portât au camp ennemi. Il ne pouvait pas rêver une meilleure introduction que ces documents. Naturellement, il informerait le général Smith de sa découverte, et celui-ci ferait subir à ses plans un remaniement complet. Quelque jeune qu'il fût, Bill comprit tout de suite que des papiers de cette importance ne pouvaient être venus dans les mains de Nad que par une trahison. Très grave, ayant peine à maîtriser son émotion, il s'adressa de nouveau à son prisonnier. « Écoutez, Nad, vos papiers sont si importants que je ne peux guère tenir ma promesse. « Comment ? » s'écria l'autre. « Vous voulez me faire pendre ?» « Peut-être pourrais-je l'empêcher. Je ne croyais pas tout d'abord que vous portiez notre uniforme. Et celui qui le porte à tort, dame, chez nous, on le branche sans y regarder de bien près. Oh, Bill !» gémit Nad avec une horrible grimace, pendant que la peur faisait s'entrechoquer ses membres. « M'avez-vous sauvé la vie autrefois pour me laisser pendre aujourd'hui ? Est-ce ainsi que vous tenez votre parole ? N'oubliez pas que j'ai juré fidélité à la patrie !» interrompit notre héros d'un ton résolu. Et avant que je viole ce serment, je livrerai 100 amis de ma jeunesse à la potence. » Nad poussa un soupir profondément triste. L'image de la mort blême le faisait claquer des dents. Bill hésita longtemps. Enfin, il dit « Écoutez, Nad, dans ces circonstances, je ne puis vous préserver du coup fatal que si je vous lâche. Et cela, rien ne me justifierait de le faire, si vous ne me disiez exactement sur votre honneur de qui vous tenez ces papiers. » Visiblement, le cœur du prisonnier était allégé d'une montagne. « Est-ce que c'est bien vrai ? » demanda-t-il vivement. Et comme Bill se contentait d'affirmer d'un signe de tête solennel, il reprit « Je suis vraiment un très mauvais gars, car pour me garantir du gibet, je vais y envoyer un autre. Mais tant pis, j'ai déjà reçu d'autres papiers de la même main que ceux-ci. Je les ai reçus d'un certain Guy Fawkes, secrétaire de votre général en chef. » Bill étouffa une exclamation. C'était l'homme qu'il avait rencontré dans la chambre du général Smith et qui, du premier coup, lui avait fait une si déplaisante impression. « Et c'est l'honnête vérité que vous me dites là ? » demanda-t-il au bout d'un moment qu'il employa, non sans peine, à recouvrer son habituel sang-froid. « Oh, Bill ! » répondit le prisonnier mortifié. « Vous ne me connaissez pas encore. Je suis, il est vrai, un grand fourbe. Mais jamais je ne livrerai un innocent au gibet ou au couteau. « Si ce n'est pour sauver ma propre vie, c'est comme je vous le dis. »« Bien, alors écoutez-moi. Je veux vous croire. Jurez-moi que d'ici à 8 jours au moins, vous ne retournerez pas dans le camp de votre généralissime et je vous laisserai courir. »« Mais c'est avec plaisir, mon cher vieux Billy. » Nad aurait volontiers sauté de joie si le pistolet de Bill ne l'avait pas toujours tenu en respect. « Ce n'est pas encore tout, » déclara notre héros après un court moment de réflexion. « Qui est-ce qui vous a envoyé chez nous et à qui deviez-vous remettre ces papiers au cas où vous seriez retourné sain et sauf au camp des confédérés ?»« Au général Forrest. Je suis à son service particulier et il me tient en grande estime. Tout cela est bien fini maintenant car je n'oserais plus me montrer à lui. »« Bon, c'est tout ce que je voulais savoir. En considération de notre vieille amitié, Nad, je vous donne la liberté et je vais vous relâcher. Mais j'ai votre promesse. » Maintenant, conduisez-vous bien, jeune homme, et évitez de venir près de nous, volontaire de l'Union, sous un tel costume, car une autre fois, la conclusion que vous savez en découlerait pour vous, et cela avec autant de rigueur que de simplicité. » Ils échangèrent une cordiale poignée de main. Bill remonta sur son cheval et revint en hâte vers la ligne des premiers avant-postes, tandis que Nad se glissait précipitamment dans les broussailles. Cette ligne d'avant-poste fut bientôt atteinte. Bill put sans difficulté se faire reconnaître par l'officier commandant le plus proche, auquel il donna une courte note pour aviser le général Smith avec la recommandation urgente de la lui faire porter immédiatement. Notre héros y informait brièvement le général en chef de ce qu'il avait appris touchant le rôle de traître joué par Guy Fawkes et le prit en même temps de modifier de fond en comble tous ses plans et projets. Après avoir réparé le désordre occasionné à son uniforme gris par sa rencontre avec Nat Golden, il repartit dans la direction des avant-postes ennemis. Le ciel se teintait déjà d'un gris pâle, précurseur du jour, lorsque notre héros arriva sans autre aventure en vue des gardes de l'armée sudiste. C'était le moment critique. Bill adressa une courte prière au ciel, qui à l'occident était chargé d'un nuage orageux où le soleil levant plaquait des tons vermeils. Il laissait froidement errer son regard sur cette cité de tentes qui brillait sous le souffle du vent du nord lorsque soudain sa gorge se contracta. Toute la tristesse, toute la douleur qu'il avait empoignée et secouée la veille au soir pour la première fois de sa vie, l'assaillit de nouveau. C'était comme s'il regardait en esprit dans les yeux angéliques de Louisa, et comme s'il lisait l'instant de prière de Tournebris dans ce moment suprême, et d'abandonner son entreprise trop follement téméraire. Mais sur son beau visage, hâlé par le soleil, pas un muscle ne bougea. Ses yeux brillaient d'une flamme égale et tranquille en regardant l'ascension victorieuse de l'astre du jour. Il enfonça ses éperons dans les flancs de son cheval et galopa vers le camp ennemi jusqu'à ce que l'appel de la première sentinelle vint lui faire brusquement halte. « Arrêtez, qui vive ?»« Ami, donnez le mot, je ne le sais pas. » « C'est un mot vite dit, » répondit Bill en riant avec insouciance. « J'apporte des nouvelles pour le général en chef. Faites-moi conduire devant lui. » « En attendant, vous êtes notre prisonnier, » lui répondit le sergent qui commandait le poste. Bill s'y attendait bien. Obéissant, il descendit de cheval et remit ses armes. Seulement, comme les soldats voulaient le fouiller, il fit brusquement un pas en arrière et renversa d'une secousse l'audacieux qui lui plongeait déjà sa main dans la poche. « Tout doux !» s'écria-t-il. « Les nouvelles que j'apporte ne sont pas faites pour des yeux vulgaires. Le général en chef seul doit prendre connaissance de mes papiers. » Sa voix avait un accent si résolu que le chef de poste, un homme du Kentucky, haut comme un arbre, fut interloqué et fit conduire Bill sous bonne escorte à l'officier qui commandait la garde du camp cette nuit-là. « Êtes-vous un soldat des États du Sud ?» demanda l'officier lorsque Bill comparut devant lui. « À proprement parler, non. Cependant, je tiens pour le Sud et j'espérais pouvoir remettre au général Forrest d'importants renseignements sur les Yankees. »« Sur les Yankees ?» répéta l'officier. L'accent sarcastique avec lequel Bill avait prononcé ce mot « Yankee », dont les confédérés se servaient d'ordinaire comme d'une injure pour désigner les volontaires du Nord, le persuada qu'il avait devant lui un ami, un sudiste de bon aloi. « Très bien, » reprit-il. « Il est encore bien matin, mais le général Forrest vous fera bon accueil si vous avez réellement des nouvelles importantes pour lui. Le général jugera. » Une minute après, Bill se trouvait avec son escorte sur le chemin qui conduisait directement au quartier général. Notre héros, aussi discrètement que possible, chercha pendant la route à s'orienter dans le camp. Il était préparé d'avance à trouver réunis là de très grosses forces militaires, mais la réalité dépassait de beaucoup son attente. C'était un rassemblement d'hommes armés dont le nombre était tel que les faibles forces mises sous les ordres du général Smith ne pourraient évidemment pas tenir. Mais il remarqua surtout que le service de la garde du camp était extrêmement rigoureux et bien fait. Partout où Bill pouvait porter les yeux, il voyait les postes doublés. Aux portes du camp, surtout, la garde était forte et vigilante. Il dut se dire alors qu'en cas de fuite éventuelle, la sortie de ce camp retranché était chose parfaitement impossible. Ou bien il réussirait à tromper absolument le général Forrest sur ses vrais desseins, où il partagerait le sort de ces deux malheureux dont les corps inanimés pendaient côte à côte aux branches d'un arbre sur une éminence dans le camp. « Des espions !» dit un des soldats avec un geste qui les montrait en passant. Le général Forrest n'y va pas par quatre chemins, ajouta son camarade en manière d'explication. Qui ne lui plaît pas au premier coup d'œil est bientôt pendu. Mais quelle que pût être l'impression que ces paroles et la vue des deux espions du Nord exécutés sommairement avaient produites sur l'âme de Bill, il n'en laissa du moins rien paraître, ni sur son visage, ni dans ses discours. « C'est bien fait pour eux, » dit-il légèrement. « Puisse-t-il en arriver autant à tout ennemi de notre glorieuse cause ?» Ces paroles arrachèrent un sourire d'approbation aux soldats. Ceux-ci étaient faciles à tromper, mais réussirait-il aussi vite auprès du terrible général ? Bill eut à attendre un moment devant la spacieuse et magnifique tente du commandant en chef. Bientôt son escorte reçut l'ordre de le faire entrer. La minute d'après, notre héros se trouvait face à face, œil à œil, si l'on peut dire, avec le redoutable général des États du Sud. Un coup d'œil sur le visage mâle et beau, mais résolu de cet homme de guerre, fit voir à Bill qu'on l'avait bien informé. Ses yeux intelligents et impitoyables semblaient réellement chercher à sonder jusqu'au fond des cœurs. Bill savait que son sort dépendait du début de l'entrevue. S'il éveillait le moindrement les soupçons du général, son affaire était réglée et c'en était fait de sa jeune existence. Mais cette certitude, quoiqu'elle pût lui faire craindre, n'en trempait que mieux l'énergie de notre héros. Calme, sans un tressaillement de paupières, il soutint le regard inquisiteur du général pendant une longue et inquiétante minute. Rien dans la physionomie du général ne trahit le résultat de son examen. « Qui êtes-vous et comment vous appelez-vous » interrogea enfin le général Forrest sur le ton tranchant du commandement. « Je suis virginien et je m'appelle Fred Williams. » dit notre héros d'un air modeste. « Vous n'êtes pas soldat dans notre armée ?»« Non, » dit Bill sans détour. « Et qui vous a envoyé à moi ?» demanda Forrest à brûle-pourpoint. Sans une seconde d'hésitation, Bill répondit « Nat Golden, général. »« Ah, et lui-même, où est-il ? » ?»« Il est prisonnier, général. »« Vraiment ? Et de quoi vous a-t-il chargé de m'informer ?»« Je dois vous apporter ici ses papiers. » Il a pu, profitant d'un moment favorable, me les passer. Ils sont, m'a-t-il dit, d'une extrême importance. Comme vous voyez, j'ai risqué ma vie en apportant cela ici. Les damnés Yankees m'ont touché. » Bill montrait son bras blessé. Puis il tendit au général les papiers soigneusement mis en ordre. Forrest les parcourut sans laisser voir la moindre émotion. Lorsqu'au bout d'un moment il releva les yeux sur Bill, il sembla à celui-ci que son visage était plus bienveillant qu'auparavant. « En fait, ce sont des papiers très importants, » dit Forrest. « Ils n'ont cependant plus grande valeur pour moi, car j'ai déjà changé mes arrangements. Comment se fait-il que Nat Golden vous les ait confiés ?»« Oh, il me connaît depuis longtemps. Nous étions employés à côté l'un de l'autre comme courriers dès notre enfance. Il sait que je suis un homme sûr. J'acceptais sa commission parce que je serais bien aise de vous servir comme éclaireur, et que je voyais là une occasion de vous prouver tout de suite de quelle utilité je peux être. » « Et qu'est-il devenu, Nat Golden ? Les Yankees l'ont-ils pendu ?»« Pas du tout, ils n'ont plus trouvé de papier sur lui. »« Tant pis pour les Yankees, » fit le général froidement. « Nous, nous pendons les espions, même s'ils nous apportent des papiers de la plus haute importance. » En disant cela, il dévisageait Bill de son regard le plus perçant. Notre héros eut un pressentiment, et le cœur lui battit. Il ne pouvait pas se dissimuler davantage que le général le considérait avec une méfiance croissante, qui pouvait être grosse des conséquences les plus fatales pour lui. « Savez-vous ce qu'il y a dans ces papiers ?» demanda Forrest à l'improviste en se rapprochant d'un pas. Sans broncher sous son regard menaçant, Bill répondit sur le ton d'une entière franchise. « Je le sais, je les ai étudiés mot après mot pour pouvoir vous répéter tout, au cas où, par quelque hasard, les papiers eux-mêmes se seraient égarés. » « C'était faire très sagement, » dit Forrest avec plus de bienveillance apparente que tout à l'heure. « Connaissez-vous aussi le pays ?»« Dans tous les coins. »« Aussi, je crois que je peux m'offrir comme éclaireur. Vous verrez que je saurai bien m'employer. »« Je le crois, » répondit Forrest d'un ton équivoque. « Quelqu'un qui, comme vous, s'est illustré à Leavenworth ?»« Je n'ai pas dit cela, » s'écria Bill déconcerté. « Mais je le sais, mon maître, » riposta le général, ironique. « Je sais aussi que j'ai un espion devant moi et que je vais le faire pendre. » À ces terribles paroles qui dépassaient ses pires appréhensions, Bill dut faire un effort pour conserver extérieurement son calme et son sang-froid. « Vous feriez pendre un innocent, et vous récompenseriez un important service par une aussi noire ingratitude ?» fit le jeune homme un pli de mépris aux lèvres. Le général s'approcha tout près de lui. Si, je le ferai. » Il accentuait chaque mot d'une manière significative et impressionnante. « Oui, je le ferai très certainement, Bill Cody. » Les trompettes du jugement dernier auraient retenti à ses oreilles. Que notre héros n'eût pas été plus ému qu'en entendant prononcer son vrai nom et surtout de la bouche de ce général sans pitié. Tout autre aurait tremblé physiquement, ou tout au moins se serait trahi par quelques tressaillements de muscles. Mais avec notre Bill, avec ce jeune homme au cœur de lion, il n'en allait point ainsi. Il eut la perception très nette que cette minute décidait de sa vie ou de sa mort. Aussi prit-il sur lui, malgré les mouvements désordonnés de son cœur, de soutenir sans défaillance le regard terrible du général et même de prendre une expression de surprise bien marquée. « Vous plaisantez ! » dit-il avec autant de naturel que possible. « Voilà un nom que j'entends pour la première fois de ma vie. Comment avez-vous dit, Bill Cody ? » ?»« Un joli nom, mais le mien me plaît autant pour le moins, et c'est Fred Williams que je m'appelle. » « Très bien, » fit le général avec une raillerie macabre. « Alors nous vous pendrons sous ce nom-là. En tout cas, vous serez pendu. Comptez-y. » Pour la première fois, Bill faillit perdre la possession de lui-même. Ses pensées tourbillonnaient en vol confus sous son crâne, mais il se contraignit énergiquement au calme et sut rester maître de lui. « Suis-je tombé dans une bande de voleurs, ou suis-je en présence du général en chef des confédérés ?» demanda-t-il en élevant la voix. Forrest fronça le sourcil. Il jeta sur l'audacieux parleur un regard terrifiant qui aurait certainement imposé silence à tout autre. « Qu'est-ce que c'est ? » s'écria-t-il en frappant le sol du pied. « Retenez votre langue. Bon, il y va de ma vie, que vous n'avez pas le droit de me prendre. Je vous ai dit qui je suis et que je désire servir le Sud. Si vous ne me croyez pas, faites-moi passer en jugement. Mais me pendre sans avoir rien entendu, c'est un procédé de bandit, non pas le fait de soldats qui ont de l'honneur. » On aurait pu croire un moment que le général, dans l'excès de sa colère, allait tirer son épée et coucher sur le carreau l'intrépide Bill. Mais après un moment de silence pénible et gros d'orage, le général Forrest se mit à rire, moqueur et hautain. « Bien rugi, mon lionceau, » fit-il. « Malheureusement, ce n'est pas ma manière de me commettre avec des individus de ton espèce et dans ta situation. Mais ton désir sera exaucé et tu comparaîtras aujourd'hui même devant le conseil de guerre. » Il frappa dans ses mains. Aussitôt entra les mêmes soldats qui avaient amené Bill devant le commandant en chef. Le bras tendu, Forrest leur montra le malheureux Bill. « Emparez-vous de cet homme, c'est un espion, » ordonna-t-il. « Vous m'en répondez sur votre tête. Conduisez-le au grand poste et là qu'on l'enferme avec soin. Mais, général, écoutez donc encore, » protesta Bill dans un effort suprême et désespéré pour le convaincre. Mais le général lui tourna le dos. « Enlevez cet espion, » dit-il d'un ton glacial, « qu'on exécute mon ordre. Deux hommes seront constamment de garde auprès de lui jusqu'à ce que le conseil de guerre l'appelle à sa barre. Emmenez-le. » Brutalement, les soldats s'assurèrent du malheureux. « Les mains derrière le dos, » commanda l'un pendant que l'autre préparait une corde pour le lier. Un regard sur les traits obtus de ses gardiens montra clair comme le jour à Bill que toutes les prières de ne pas être soumis à ce traitement outrageant ne seraient pas écoutées. Le général était toujours là, fixant sur lui son œil froid et altier. Toute résistance à cette puissance supérieure dans le camp même des ennemis eût été évidemment folie pure. Bill, le visage rouge et les lèvres serrées, mit donc ses mains derrière son dos et se laissa ignominieusement attacher par les soldats. Sous les liens dont il le serrait avec rudesse, il sentit s'aviver cruellement la douleur de son bras blessé. Mais le généreux jeune homme serait mort plutôt que de laisser échapper la moindre plainte. Fier, la tête haute, il sortit de la tente et entre ses deux gardiens, à travers les rues du camp, se dirigea vers le poste de la garde principale. Leur chemin passait de nouveau près des arbres où les cadavres des deux espions de l'Union se balançaient au vent. Vision pleine d'horreur, qui lui rappelait qu'il serait lui-même pendu auprès des deux suppliciés avant que s'éteignît la lumière du jour, à moins qu'un miracle ne se produisît le sauvant d'une mort infamante. Mais quel miracle pouvait se produire ? Comment lui viendrait un secours à lui isolé qui se voyait sous la surveillance de toute une grande armée ? Et pourtant, quelque terrible que sa position fût devenue inopinément, le jeune homme ne perdit pas l'espoir. Bill Cody, après comme avant, croyait toujours en son étoile. S'il avait pu revenir à ce moment dans la tente du généralissime, la dernière lueur d'espérance se serait envolée de son âme héroïque pour la laisser en proie à toutes les horreurs du plus effroyable désespoir. Soulevant la longue tenture qui séparait comme une muraille la principale chambre de la tente d'une autre pièce voisine, Don Ramiro venait de faire son apparition. Il avait à l'insu de Bill entendu toute sa conversation avec le général Forrest. En entrant, il alla serrer la main du généralissime. « Cette comédie me pesait, » déclara celui-ci. « S'il n'y avait eu que moi, le jeune coquin serait déjà branché. »« Ce serait au grand dommage de nos vrais intérêts, » répondit Don Ramiro, en écartant d'un geste cette supposition. « Comme je vous l'ai déjà dit, général, ce Bill Cody, malgré sa jeunesse, vaut toute une armée d'éclaireurs, et c'est pour cela qu'il faut nous assurer ses services. » « Si cela se peut, » grommela Forrest en haussant les épaules, tout en invitant son hôte à s'asseoir avec lui à une table où un esclave noir mettait le couvert du déjeuner. « Le gaillard a de l'intelligence et de la volonté. Sa domination sur lui-même était vraiment digne d'admiration. J'aurais cru ses assertions sans chercher plus loin si je ne vous avais pas eu, Don Ramiro, pour me fournir d'avance les preuves irrécusables du contraire. Mais prenez garde. » Ce jeune homme mourra plutôt que d'être infidèle à son serment et nous trahira à ses maudits nordistes. » Don Ramiro eut un rire qui découvrit ses dents pointues de bête de proie et rendit sa physionomie hideuse. « Ce n'est pas ce que j'espère, » dit-il négligemment en se servant de la viande froide que le nègre lui présentait obséquieusement sur un plat. « Ce Bill Cody serait la première créature humaine que j'ai rencontrée qui préférerait son serment à sa vie. Et quand il se trouvera sous le gibet, les genoux vacillants et le cœur prêt à défaillir, il sera à nous, soyez-en sûrs. Mais si votre connaissance des hommes était en défaut dans le cas présent, et que le jeune homme ne se mit pas à ramper à la vue du supplice, » Don Ramiro haussa les épaules. Si l'expérience tournait si mal, eh bien il serait pendu demain matin, et on lui donnerait encore une nuit pour la réflexion. Et avec insouciance, comme si ce n'était pas de la vie florissante et pleine de promesses d'un jeune homme, intelligent et brave, qu'il venait de décider irrévocablement, ils continuèrent à déguster leur abondant et savoureux repas du matin. À la même heure, on poussait une écuellée de soupe devant Bill Cody, par terre, dans la tente obscure où il était enfermé. Mais d'un geste de fier mépris, il repoussa du pied l'écuelle. Il serait mort de faim, plutôt que d'accepter sa nourriture de la main de l'ennemi. Et d'ailleurs, il avait le cœur si gros, ah, si gros et si lourd.